J'ai pas envie de finir comme ces truducs qui attendent leur double sans but, des journées entières dans un canapé, se critiquant entre eux, leurs esprits sont pervers, cela va de pair avec leur hypocrisie forge dans un cœur de pierre. Préfère traîner ma solitude sur les docks ou à la deck, en fait, enfermé dans mon cortex. Mes textes prennent forme comme innocent proferme, comme un infirme se renferme quand le regard des gens le détruisent. J'ai décidé cette année de détrôner, d'enfiler sur texte tous ces connards qui m'ont jugé, tout cet aspect à qui j'ai donné mon sexe, l'ont caressé, l'ont sucé, se l'ont fourné, puis elles se sont embarrées. Une brèche dans mon cœur s'est creusée, du sang sur mes lames de cutter, j'ai dit ça coulait, car j'ai dû essuyer trop de drames, trop de larmes dans ma vie mise. La tristesse, la haine apparaît sur mon visage lisse. Ils se disent hardcore, c'est con, mais ne connaissent pas la mort, et les décès en excès. La cam leur chuchote, ils sont plus forts que tort. Leur faudino des sous des portes qui comprennent le sens de mauvais sort. L'héroïne, la cocaïne fait des ravages dans nos ruelles, ramassant quelques billes au scalpel. M'appelle, tu me l'avais dit maintenant, je me retrouve seul. En manque d'amour, j'embrasse ou vole le sol. Sous, dans un bâtiment sale, sous ça mon cœur s'emballe, ma cervelle s'éveille dans un amas de flammes. Ma lucidité, c'est mon gilet pare-balles, pas de bol, bâtard, te capte à des kilomètres et de mal. Tu meurs, vous phrasez ta flingue, alors va jouer le bandit ailleurs, pour moi tu n'es qu'un branleur. Un gibier de potence, pétasse, ton cul est à la ramasse. J'amance ma langue, puis je trépasse ton attitude salace. Ça te laisse perplexe, mes 60 kilos te blessent, mes fesses sont gazées, t'as pas cesse d'esprit. J'en profite avant que les proutes soient interdits, vu que les moindres faits et gestes sont analysés. Dans ce pays, je prie et j'écris pour ton attitude change. Chante la complexité, mon être tout paraît étrange. Étranger à tous vos codes de communication, je préfère me ranger. Mais mon rap est en formation. Ils se disent hardcore, c'est con, mais ne connaissent pas la mort et les décès en excès. La cam leur chuchote, ils sont plus forts que tort. Leur faudino des sous des portes qui comprennent le sens de mauvais sort. L'héroïne, la cocaïne fait des ravages dans nos ruelles, ramassant quelques billes au scalpel. M'appelle, tu me l'avais dit maintenant, je me retrouve seul. En manque d'amour, j'embrasse ou vole le sol. Mon fiant te lâche des caisses pour te plomber. Ma langue peut lécher ta pouffe pour te mouiller. T'sais, faudra plus qu'un string pour m'exciter. Respecte ton corps pour qu'avec toi je puisse me marier. Marianne, tu sais, ce soir je vais me planquer pour pleurer. Je repense à toute cette merde qui fait que j'ai changé. Je suis blanc mais le noir me colle à la peau. Comme cette résine sur les mains, cherche pas, ça c'est le boulot. Pourquoi cette gamine frime et raffole des clans d'eau? Dans une mur face aux impurs, je veux exporter mon flow. Je ne suis pas un clodo, mais je roule à vélo vexé quand je vois ce PDG me couper la route en merco. Sarkozy remplit leur cerveau, bouge braque l'Irak et nos enfants se craquent. Nettoyons ces affreux au carcher. Bientôt mon frère, je vais passer à la viande cachère. Ils se disent hardcore, c'est con, mais ne connaissent pas la mort et les décès en excès. La cam leur chuchote, ils sont plus forts que tort. Leur faudino des sous des portes qui comprennent le sens de mauvais sort. L'héroïne, la cocaïne fait des ravages dans nos ruelles, ramassant quelques billes au scalpel. M'appelle, tu me l'avais dit maintenant, je me retrouve seul. En manque d'amour, j'embrasse ou vole le sol. Ils pratiquent le trafic des armes, ces clowns. Faites attention, l'être humain se clone fataliste. Les jeunes se clament pour des clous, pendant que d'autres prélassent plein de liasses. Aimé, j'ai déçu, je me sens bien qu'avec mes semblables, énervé, perdu au milieu de ce vécu macabre. Ma crèche, je veux me reproduire sans payer, mais je crois qu'avec mes textes, je me suis grillé cette année. L'abstinence fait chier, la prostitution dans les bas-fonds, ces clients vicieux me font gerber. Autour de moi, avec des propositions perverses, toutes leurs pubs blessent, ils essayent de nous formater. Nous rendent aveugles, insensibles à l'importance des forêts, nous font oublier de quoi on vivait, qui on était. De simplement cueillant des fruits sauvages, tous artistes dans nos cavernes, enseignant aux plus jeunes le partage. Péché originel, une nouvelle ère industrielle, mes frères, l'enfer des villes et si c'est fromel. N'aime pas mon être, elle veut juste ma thune, cette brune. Pas de bruelle dans mes oreilles, c'est du sale, il ma vieille. Garde tes thunes, véreux, un petit pas de pacte avec le diable, garde ta cam baveux. Je suis plus qu'au mon vieux, je peux tu marier avec Marie-Jeanne. Et puis je veux vivre un peu, pourquoi pas à La Havane, couler des jours heureux.